abracadabra, des jeunes filles à chaque bras. Abracadabra, des jeunes filles dans mes bras. Celle qui est à mon bras gauche s'y promène avec un air gauche. Celle qui est à mon bras droit est saoulée, ne marche pas droit. Abracadabra, des jeunes filles à chaque bras. Abracadabra, des jeunes filles dans mes bras. L'une est une fille de paix et les gens la regardent à peine. L'autre est une fille de joie, elle choque tous les villageois. Abracadabra, des jeunes filles à chaque bras. Abracadabra, des jeunes filles dans mes bras. Celle qui est à bâbord est plutôt coincée sur les bords. Celle qui est à tribord a vu monter du monde à bord. Abracadabra, des jeunes filles à chaque bras. Abracadabra, des jeunes filles dans mes bras. La fille de joie est à la peine, je crois qu'elle ne vaut pas la peine. La fille de peine rendue guette, sous un des grappes, ma braguette. Abracadabra, des jeunes filles à chaque bras. Abracadabra, des jeunes filles dans mes bras. Seulement voilà, j'ai pas quatre bras, malgré les abracadabras. Et même si j'ai le sang chaud, je me démène comme un manchot. Abracadabra, des jeunes filles à chaque bras. Abracadabra, des jeunes filles dans mes bras. Je voudrais pas faire de peine à la gentille fille de joie. Je veux pas jouer les rabat-joie auprès de ma petite fille de peine. Abracadabra, j'ai plus qu'une fille à mon bras. Abracadabra, j'ai plus qu'une fille dans mes bras. Plus qu'une fille à mon bras qui marre de cet être aux gens avec marre. Et l'on peut deviner sans peine laquelle me donne ma joie.